Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la disparition de Philippe de Dieuleveux avec notre invité Alexis de Dieuleveux. Bonjour. Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Vous portez le même nom de la personne dont on parle depuis 40 minutes parce que vous êtes le neveu et filleul de Philippe de Dieuleveux. Vous êtes l'auteur du livre intitulé « Noyade d'État » chez Ballant. Vous êtes par ailleurs navigant, chef de cabine principale sur les vols long courriers d'Air France. J'imagine que c'est un peu cloué au sol en ce moment à cause de cette calamité nommée Covid. Malheureusement, oui. Voilà. Et revenons à notre sujet. Pendant 30 ans, votre père, Jean de Dieuleveux, donc l'un des frères de Philippe, grande fratrie, hein, ils étaient combien de frères? 8 garçons. 8 garçons, bien. Jean de Dieuleveux, donc a enquêté sur la disparition de son frère jusqu'à sa mort. Hein. Et vous avez repris le flambeau en 2015, c'est ça? Comme si à chaque génération, l'histoire devait être nouveau, revisitée, et cela peut-être sans fin, en tout cas avant que la vérité officielle, enfin soit officiellement rendue publique. Parce qu'on y reviendra, on sait des choses, mais ça se dit pas. Exactement. Donc on va dire. Alors, je voudrais qu'on parle d'abord de l'homme Philippe de Dieuleveux. On s'en souvient. Moi, je fais partie de cette génération qui se souvient de cet homme qu'on aimait bien, qui avait beaucoup d'enthousiasme, une bonne tête, un bon physique. Enfin, voilà, il était plutôt apprécié. Hein. Quel homme était-il à la ville? C'est vrai qu'il était aimé des Français, Philippe. Je pense qu'il a marqué quelques générations. Ouais. Alors moi, je l'ai connu, j'avais 14 ans quand il nous a quittés, malheureusement. Et c'était compliqué et difficile de voir Philippe qui était toujours absent. J'ai des souvenirs de lui, souvenirs de vacances en Bretagne. Mes grands-parents avaient une propriété près de Saint-Malo. Il se rendait également en Charente-Maritime, chez des amis communs avec mon père. Donc, des souvenirs de vacances, des souvenirs d'images, de cartes postales. Philippe m'envoyait beaucoup de cartes postales des quatre coins qu'il visitait à travers la planète. Ça vous faisait rêver? Complètement. Ah oui, on attendait cette carte postale qui arrivait dans la boîte aux lettres. On les regrette, les cartes postales, aujourd'hui. Et oui. Voilà, ça m'a fait rêver. Ça m'a peut-être aussi poussé vers ce métier de voyage que j'exerce aujourd'hui. Et puis aussi, il m'a fait rêver par ses cadeaux improbables. Genre comme une dent d'hippopotame, comme un coco en soie, comme un altimètre d'avion, des petites boîtes birmanes, asiatiques. Donc voilà, des cadeaux improbables que je garde précieusement. Ce sont mes trésors. Bien. Alors, Noyade d'État, tel est le titre de votre livre, vient de sortir. Pourquoi maintenant? Eh ben, j'ai noté une phrase à la fin de votre récit. Oui. Et vous dites: un doute planera toujours sur cette journée du 6 août 85. Oui. Et ben j'ai écrit ce livre pour lever ce doute, justement. Ce doute. Et on est dans le mensonge depuis 35 ans. Voilà. Donc ce livre dévoile des faits, il dévoile des réalités, il dévoile les coulisses de l'affaire, des coulisses que le grand public ne connaît pas, n'imagine pas. Et il démontre et il prouve le mensonge et la manipulation. Mais c'est vrai que ma démarche est avant tout une démarche aussi d'hommage pour mon père, Jean, qui a consacré 30 ans de sa vie à se battre pour la vérité sur la mort de son frère. Et je veux pas que sa mort n'ait servi à rien. Je veux donner du sens à son combat. Donc mettre par écrit ses pensées, ses convictions, ses preuves. Puis c'est aussi un livre mémoire pour Philippe, ne pas l'oublier. Et surtout un livre vérité pour rendre justice à Philippe qui est victime. Il est victime et puis tout n'a pas été dit dans cette affaire. Bien. Alors, avez-vous obtenu de nouveaux témoignages? Alors je pense à deux Américains, je pense à un agent consulaire belge. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a toute une série de témoignages. Certains sont connus, vous avez cité quelques-uns dans votre récit. Il y a une personne dont on ne parle pas, je pense que vos auditeurs ne le connaissent pas non plus, c'est ce pilote d'avion qui a fait le survol du fleuve, une reconnaissance aérienne avec Philippe. Il faut savoir que Philippe a fait une reconnaissance seul avec ce pilote. Et ce pilote témoigne également. Il a témoigné sur place au Zaïre. Il travaillait à Kinshasa. Ce pilote était ce qu'on appelait le HC, honorable correspondant. C'était un bénévole de la DGSE. Ah. Voilà, ce pilote, j'en dis un peu plus dans le livre, qui il est, qui il connaît. Et sa parole a du poids également. Mmh. On cite effectivement les témoignages des ingénieurs américains, effectivement, qui témoignent de la présence des militaires qui sont en bord de fleuve. Ces militaires qui mettent en joue les rafts. Oui. Ce n'est pas rien. Et il se trouve que c'est un coïncide aussi avec le témoignage des deux rescapés, Jean-Louis Amblard et François Laurenceau, qui ont été mis à l'écart du site. Ils ont voulu rejoindre le fleuve pour peut-être porter secours à leurs amis, et on leur a formellement interdit de se rapprocher du fleuve. Ils ont été mis le soir à Matadi dans un hôtel, et on leur a demandé de signer un document comme quoi ils n'avaient entendu aucun coup de feu. ce qui coïncide aussi avec le témoignage des ingénieurs américains. Alors certes, personne n'a entendu de coup de feu, car c'est le bruit de l'endroit de Dinga, je pense, est énorme et aurait couvert ces bruits de coup de feu. Mais on parle de coup de feu, on parle... Mobutu, d'ailleurs, dit qu'il ne manque aucune balle dans les cartouchières de ses soldats. Ouais. Donc, affirmation surprenante, étonnante, encore un témoignage qui coïncide avec un doute. Je rappelle, à toutes fins utiles ou inutiles, que le 6 août 1985, l'animateur aventurier était également officier dans la réserve opérationnelle de la DGSE. Alors forcément, on s'est dit, oulala, il y a peut-être un lien à établir. Alors, dites-moi. Ça c'est vrai, c'était confié à mon père en 77, c'était l'année de son mariage, et mon père était officier, et les deux frères avaient aucun secret l'un pour l'autre, ils se disaient tout. Donc mon père savait que Philippe faisait effectivement partie de la réserve opérationnelle du service action de la DGSE, chose d'ailleurs que les militaires niaient au début, en 85, au moment de l'accident. Voilà, on disait, Philippe, rien à voir avec l'armée, rien à voir avec les services. Et mon père a pu prouver, démontrer les liens concrets, puisqu'il n'avait que la parole de Philippe. Mmh. Il a pu montrer et prouver que Philippe faisait bien partie de la DGSE en recherchant son dossier médical, car on parlera peut-être tout à l'heure de ce faux cadavre retrouvé dans le fleuve Zaïre. On m'en parlait juste après. Exactement. Parce que c'est un élément important. Exactement. Et là, finalement, mon père, dans son enquête, a vu que le livret médical de Philippe appartenait et était dans un service administratif réservé au personnel de la DGSE. Donc mon père savait effectivement qu'il faisait partie des services, mais Philippe avait un peu cette double casquette à la fois. Oui, alors ça, à la limite, ça le regardait. Mm. Mais moi, je veux savoir si on peut établir un lien entre ce qui s'est passé et cette appartenance à la DGSE. Il n'y a pas de lien. Pour mon père, il n'y avait pas de lien. Il a eu le témoignage d'un officier qui était d'ailleurs chef des opérations du service action de la DGSE, le colonel Desgrais du Loup, un ami de mon père, qui lui a donné sa parole d'officier que Philippe n'était pas en mission pour la DGSE dans cette expédition. D'accord. Et ce même colonel soutiendra aussi la thèse d'une bavure militaire. Bah oui. Alors, cette histoire de faux cadavre, ça c'est important. Parlez-nous. Ça c'est effectivement très important. On retrouve un mois après la disparition, on retrouve un corps dans le fleuve Zaïre, un corps effectivement qui n'a pas de tête, comme vous avez dit, qui n'a pas de main, pas de sexe, pas de viscères et pas d'extrémité de pied. Bref, un corps sans aucun signe d'identification. Mais bien sûr. On est en 1985, l'identification par l'ADN n'existe pas, et là on remet un corps à la famille, pas moyen de prouver que c'est Philippe. Et on vous dit, ce corps est Philippe. Mais ce qui est important, c'est que le médecin légiste zaïrois, effectivement, fait une autopsie sur ce corps, et il dit que ce corps se rapproche le plus, comme vous avez dit, effectivement, se rapproche le plus des caractéristiques morphologiques de Philippe. Mais il va pas plus loin. Mmh. Et c'est le vice-consul de France qui envoie un télégramme à mon père pour dire que son frère a été retrouvé dans le fleuve Zaïre et a pu être identifié. Et comme ça, on ferme le dossier. Et donc là, il n'y a plus aucun doute. Il se rapproche le plus. C'est Philippe. Ouais. Ce corps, c'est Philippe. Il demande le lieu d'inhumation en France. Rapidement, pour qu'on puisse l'enterrer et affaire classée. Eh oui. Et là, mon père n'a jamais cru en ce cadavre. Il s'est battu, et le livre parle d'ailleurs de ce combat. Absolument. Pour démontrer à quel point on essaie de manipuler la famille, car il y a vraiment une volonté de faire passer ce corps et d'étouffer cette affaire. Et donc, la famille a pu effectivement démontrer, grâce à des radiographies de Philippe, qu'on a comparé à celle de ce faux cadavre, que ce n'était pas Philippe. Et on a essayé de minimiser ce point. On disait, bon, on a dit que c'était une contradiction entre deux hommes de l'art, de la médecine, que c'était pas si grave, que ça arrivait dans ce genre d'affaires. Mais il faut bien savoir que sans le combat de mon père Jean, eh ben, nous recueillir aujourd'hui sur une sépulture, quelque part en France, Philippe, Dieu le veut. Et je pense que seule une poignée de responsables politiques, militaires et civils seraient dans ce terrible et inavouable secret de savoir que ce corps accepté par la famille était en réalité un inconnu. C'est indigne, honteux et monstrueux. Dit comme ça, oui, effectivement. Alexis de Dieu le veut, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Myriam Abouloua, Welcome Back to Me. I see some troubles heading my way, but I don't care at all. I see a problem coming to me, but I'm not scared at all. I know them well, they know me well, they come and go before you know. I am their friend, they don't pretend, we disagree about my misery. I see a huge storm of hail to the sky, I give a five. I cannot words say what the hell, then I keep calm and dive. I dance with the worst, worst dances with me. He smiles at me, I love for us both. We dance a vals, we dance a twist, with a nice swing once or twice. With all the love, without the pain, I accept you all and sing my refrain. 'Cause you at least my love is. You give me all, expecting nothing in return. I ride along the highway of life, weaponless, no gun, no knife. Just like a doll, I can't control matters, feelings and strides. I love my issues, give them and tissues that I usually use to wipe my tears. Collect them one by one, accepting all is gone. This is madness and fun without complaints. With all the love, without the pain, accept you all and sing my refrain. 'Cause you at least my little beast. You give me all, expecting nothing in return. Affaire sensible sur France Inter aujourd'hui, la disparition de Philippe de Dieuleveu, dont nous parlons avec notre invité Alexis de Dieuleveu Filleul et neveu de Philippe de Dieuleveu, qui vient d'écrire un livre intitulé « Noyade d'État », comme quoi nous sommes dans un scandale. On va maintenant arriver à l'hypothèse que vous retenez, non sans avoir écouté une archive. Nous sommes en 1994, vous allez entendre un homme qui s'appelle Okito Bene Bene, en exil à Bruxelles, depuis que Mobutu, un Zaïrois, l'a accusé de complot quelques années auparavant. Au moment de la disparition des équipages, il était membre, Okito Bene Bene, de la police politique de Mobutu, en poste à Boma, située à quelques kilomètres seulement au sud du barrage. Et voici ce qu'en 1994, il déclare. Nous étions convaincus que c'était des mercenaires. Bon, une fois arrivés sur le lieu, c'est là où nous avons découvert que c'était une expédition qui était autorisée par Kinshasa. Bien. Mais l'autorisation n'a pas été répercutée jusque chez nous, à Boma. J'ai assisté à leur capture. Oui. Il y a M. Erol de Janel qui sont morts pendant leur capture. Et M. Blockmans s'est mort en prison, de suite de ses blessures, puisqu'il n'a pas été soigné. Et les quatre autres ont été purement et simplement exécutés. Voilà un témoignage, enfin une déclaration qui relance très fortement la thèse de la bavure. À laquelle vous adhérez. Complètement. Allez-y, mon père n'a jamais cru à cette thèse de la noyade, mais même des grandes autorités militaires n'y croient pas. Il faut savoir que ça se sait dans le milieu politique, ça se sait dans le milieu militaire, ça se sait dans les services. Les autorités zaïroises reconnaissent, certains, et j'en cite un, ils reconnaissent même la bavure à l'africaine. Donc c'est assez... C'est-à-dire ? Ils reconnaissent effectivement qu'il y a une bavure africaine, c'est reconnu. Ah oui, absolument. Il y a eu deux télégrammes qui sont télescopés. Un télégramme qui autorise l'expédition en règle à naviguer sur le fleuve et un télégramme, un avertissement qui est envoyé aux autorités zaïroises pour les alerter d'une menace d'attaque sur le barrage d'Inga. Et Okito en parle et il a raison sur ce point. Ce télégramme est bien envoyé, mais c'est un télégramme qui arrive d'un service amis, service français. La France alerte les Aïrois d'une menace d'attaque. Bien. Et les personnes qui envoient ce télégramme ne pouvaient pas ignorer la présence de Philippe sur les lieux. C'était mettre directement Philippe en danger que d'envoyer ce télégramme. Et bien sûr. Et Christian Proutot. Mais il le savait. Il le savait. Christian Proutot, qui était le patron de la sécurité de l'Élysée, ne dément pas ce télégramme. Il dit oui, effectivement, on a envoyé un télégramme, c'est envoyé aux Aïrois pour les alerter d'une menace d'attaque avec. Les conséquences qu'a eu ce télégramme. Mobutu a réagi naturellement. Mon père n'en veut pas aux Aïrois. Il n'en veut pas. Donc la bavure, elle viendrait de Paris. C'est une affaire franco-française. Et pourquoi ? À qui profite le crime ? Que voulait faire Philippe sur place ? Est-ce que Philippe dérangeait ? Est-ce que Philippe n'était pas soutenu ? Il a rencontré Philippe Mobutu lors de son expédition pour parler de son projet et parler certainement de ce qu'il devait faire sur place. Mobutu n'aurait pas accordé sa sécurité. Philippe s'est exprimé également à Paris. Il est rentré quelques jours sur Paris, il a fait un aller-retour d'une semaine, et s'est confié à quelques personnes sur ses projets. Il a également rencontré donc encore une fois Christian Proutot, à qui il a demandé des moyens radio légers et des armes. Je pense que Philippe s'est confié à des personnes, et que ce qu'il devait faire n'était pas cautionné, dérangé. Donc ce télégramme, c'était... Déranger les autorités françaises. Françaises, et aussi zaïroises. Il devait peut-être mettre son nez là où il fallait pas le mettre. Où ça ? Alors après, je pourrais pas faire... on a plusieurs hypothèses, mais ce serait pas sérieux pour moi de partir... D'accord. Restons sur des faits. Restons sur des faits, et puisque vous venez de me dire que le mal vient de Paris, on va écouter Yves Dieuleveux, un autre de vos oncles. Nous sommes en 2008, il raconte la réaction de Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères, au sujet de la disparition de son frère. C'était pour vous dire de ne vous faire aucune illusion sur le sort de votre frère et de ses compagnons. Ils ont été bouffés par les crocodiles, le fleuve en est infesté. C'est ce que me dit Roland Dumas. Je le coupe brutalement pour lui dire, il se trouve, monsieur le ministre, que j'ai vécu 3 ans au Congo-Brazzaville, justement en bordure de fleuve, et que je connais parfaitement les mœurs des caïmans, et en aucun cas une vie dans les rapides. Alors là, ô surprise, monsieur, je n'avais plus personne au bout du fil. Il m'a pris pour un petit Tintin au Congo, il s'est dit, je vais lui faire peur avec les crocodiles, hein, mangeurs d'hommes, mais qui ne m'avait pas du tout intimidé. Alors, je vous fais une confidence, ouais. Entre nous, j'ai remis le livre à monsieur Roland Dumas. Oui, ah tiens donc. Oui, j'étais à son domicile, je lui ai remis le livre. Il l'a lu très rapidement, parce que le lendemain soir, il m'a envoyé un mail pour me remercier. Et il a soulevé effectivement les détails et les précisions du livre. Il n'a pas démenti une seule ligne. Bon, monsieur Dumas a un certain âge aujourd'hui. Je souhaite le rencontrer, j'aimerais bien le rencontrer un jour. Alors, je ne connaissais pas cette information avant de passer cette archive. Oui, c'est la surprise. C'est la surprise. En tout cas, merci infiniment Alexis de Dieuleveux, je crois. Enfin, j'espère qu'on a fait le tour, non ? Juste une dernière chose. Comme ce livre se termine par une lettre ouverte au président de la République. Oui. J'attends effectivement qu'il se positionne sur ce sujet. D'accord. Qu'il reconnaisse une certaine vérité. Et ce livre n'est pas à but lucratif. Tous les droits d'auteur sont reversés à une association Aviation sans frontières. La vérité n'a pas de prix. C'est important de le dire. Merci infiniment Alexis de Dieuleveux. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la disparition de Philippe de Dieuleveux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, merci à Anne-Laure Cochet qui était à la technique aujourd'hui.